Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de la radio Isanganilo, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce mercredi, dont voici les grands titres. Les administratifs provinciaux doivent faciliter le déroulement des activités des partis politiques. Cela ressort d'une correspondance du ministère de l'Intérieur sortie le 31 du mois dernier. En Gozi, les anciens combattants vivant avec handicap déplorent le manque de prothèses en bon état et la chronique sur les messages de haine parle du rôle des leaders dans des partis politiques dans la lutte contre les messages de haine. Voilà pour l'essentiel. Vestine Boutoussis à la présentation à la cabine technique et vous êtes avec Alphonse Kougouiman. Isanganiro, la radio de l'avenir. La page Société débute le journal. Le fait que la téléphonie mobile et Connect Leo ne soient pas acquittés des impôts et taxes est une surprise, selon le président du parti Kodebou, Iragiga Ndadaye. Kefani Wiz trouve que les premiers responsables de ces arriérés sont les organes qui devraient les collecter dans les délais. Ce politicien propose que la solution durable à ce problème soit le dialogue entre le gouvernement et Connect Leo et non la fermeture de celle-ci. Suivez-le. Bon, merci beaucoup. Nous avons vu, nous autres, cette correspondance qui indique que la société Connect Leo doit à l'État plus de 88 milliards de francs burundais et de 44 millions de dollars américains, ce qui est étonnant à notre avis parce qu'il se pourrait qu'il s'agisse des montants qui viennent de passer à leur moment sans être payés. Et là, on se demande où était le gouvernement ou le service de l'État jusqu'à ce qu'une société cumule de tels arriérés, alors que le gouvernement a toujours besoin de l'argent. Mais aussi, nous voyons que c'est une faute de la part de la société, parce qu'elle était au courant qu'une société opéra au Burundi, doit payer tels autres impôts, et devrait faire ses propres déclarations, d'ailleurs, sans toutefois attendre qu'il y ait une interpellation des autorités de l'État. Alors, s'il advenait que cette société fermait, suite à ces arriérés, il y a des pertes énormes. D'abord, il faut compter le nombre d'employés de la société qui vont en chômage, additionner de ceux qui utilisent les moyens de transfert, donc EcoCash et autres. Mais aussi, ça pourrait donner une mauvaise impression pour d'autres investisseurs qui voudraient investir au Burundi, parce que Connect Leo, c'est une société gigantesque. Donc, nous pensons que pour vider ce contentieux, il faut qu'il y ait un dialogue entre le gouvernement et la société pour trouver un calendrier échelonné pour payer les arriérés, mais que la société continue à s'acquitter de ses obligations annuelles auxquelles elle devrait ajouter donc ses arriérés. Comme ça, on aura sauvé tous les employés qui travaillent dans cette société, mais aussi il faudra que cette société qui a déjà des performances en ce qui est de la communication au Burundi ne tombe pas comme ça. Toujours en page société, promouvoir les connaissances en matière de protection sociale au Burundi est la plus-value attendue d'un atelier de renforcement de capacités organisé depuis ce mardi. C'est dans le cadre du programme de l'Organisation internationale du travail sur la mise en place des socles de protection sociale pour tous. Aurélie Klein, experte au sein de l'OIT en protection sociale au Burundi et au Rwanda, indique que les acteurs des deux programmes de protection sociale en cours d'élaboration au Burundi ont besoin d'être renforcés dans ce domaine. Suivez-la. La formation est organisée dans le cadre de notre programme sur la mise en place de socles de protection sociale pour tous au Burundi. Et donc sa valeur ajoutée, c'est de réunir tous les acteurs de la protection sociale du secteur de la santé pour discuter de ce qui est la protection sociale en santé, avoir une meilleure compréhension et aussi contribuer aux différents travaux qui sont en cours, notamment sur la révision de la politique nationale de la protection sociale et le développement de la stratégie de financement. Et donc, on espère qu'après les 3 jours, on aura collecté des idées pour la mise en œuvre de ces documents très importants. Donc, la protection sociale, c'est très important pour le BIT, parce que le BIT, il travaille sur le travail décent, qui a 4 piliers. Donc, un pilier, c'est la création de l'emploi. Il y a le pilier sur les droits au travail. Il y a le pilier sur le dialogue social. Et il y a le pilier sur la protection sociale. Donc, le BIT, il a des standards internationaux qui donnent des garanties minimums et qui donnent des principes directeurs pour la mise en place de la protection sociale. Et à travers notre formation, nous allons promouvoir ces standards et ainsi contribuer à une amélioration de la protection sociale au Burundi. Et en page de coopération, des projets de développement dont celui du guichet unique électronique étaient au cœur du débat entre le Premier ministre burundais et l'organisation Trademark East Africa. C'était lors de l'audience lui accordée ce mardi à la primature. Christian Nibasumba, représentant de cette organisation, affirme avoir reçu des orientations stratégiques de la part du Premier ministre pour la bonne marche de leur projet. On l'écoute. On a eu cette occasion de pouvoir lui féliciter au nom du siège de Trademark East Africa. Deuxièmement, c'était de lui présenter les projets qu'on mène ici au Burundi, à commencer par le projet qu'on appelle du guichet unique électronique, qui comprend plusieurs agences. On a également pu échanger avec son Excellence le Premier ministre sur les différents projets autres que le guichet unique électronique, notamment le projet sur les femmes qui font le commerce transfrontalier sur les quatre frontières. Nous avons également exposé les différents appuis et interventions qu'on fait à l'égard du secteur privé, notamment la Chambre fédérale du commerce en dessous du Burundi. Le troisième point sur lequel on a discuté avec son Excellence le Premier ministre était aussi de recueillir les orientations stratégiques de la part du chef du gouvernement sur les domaines sur lesquels on devrait se focaliser, notamment l'appui au Comité national d'élimination des barrières non tarifaires qui, comme vous le savez, dépend directement de la primature. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 13h passe de 2 minutes dans les studios de la radio Isanganilo. Le journal est continué par la page gouvernance. C'est le ministre de l'Intérieur redemande aux responsables de l'administration provinciale de laisser les partis politiques organiser librement leurs réunions. Martin Itélé recommande à ces derniers d'harmoniser les prix de viande à l'intérieur du pays, comme mairie de Bujumbura. Dans une correspondance du 31 janvier de l'année en cours, il invite ses administratifs à ne plus tolérer les maisons en paille. Le contenu de cette correspondance avec Moïse Misago. Dans cette correspondance, le ministre de l'Intérieur demande à ses administratifs de faire respecter les mesures prises lors des descentes des membres du gouvernement dans leurs entités. Parmi ces mesures, c'est organiser une fois la semaine pour les gouverneurs une réunion de sécurité pour évaluer la situation dans différents secteurs de la vie dans leur province, de même que pour les administrateurs pour les mardis de chaque semaine. Continuer cette pratique des descentes dans les communes, dans les zones et dans les collines, pour trouver solution aux préoccupations de la population, ce risque de perdre la confiance de cette dernière, poursuit le ministre. Dans cette correspondance de 3 pages, le ministre de l'Intérieur recommande d'harmoniser les prix de la viande au kilo à l'intérieur du pays, comme à mairie de Bujumbura, où le kilo coûte 11 000 francs pour la viande sans eau, 10 000 francs pour celle avec eau, excepté les boucheries classiques. Les personnes qui auraient affiché un comportement de spéculation sur les prix des produits Brarodi ainsi que le ciment Bousseco doivent être rayées définitivement des listes, lit-on dans cette correspondance. Toujours dans cette correspondance datant du 31 janvier dernier, les administratifs doivent démanteler tous les groupes qui rançonnent la population ainsi que tout type de commissionnaires. Martin Iteretse, ministre burundais de l'Intérieur, recommande ses administratifs de laisser les partis politiques organiser librement leurs réunions. Dans l'exercice de leur liberté de réunion, poursuit la correspondance, ils informent l'autorité, mais ils ne demandent pas de l'autorisation. Concernant les marchés, ils doivent être tous organisés de façon à laisser le passage pour les camions anti-incendie en 7 jours à compter de la réception de cette correspondance. En outre, personne n'a le droit de faire louer son emplacement, kiosque ou échoppe dans les marchés communaux ou de l'État. Par contre, chaque commerçant devra signer un contrat d'exploitation avec la commune en 7 jours, cela en vue de protéger les commerçants et surtout les consommateurs. En collaboration avec le commissaire provincial de la police nationale, ces administratifs doivent fermer tous les débits de boissons et restaurants sans hygiène ni latrine, y compris certains hôtels ne remplissant pas les conditions d'hygiène. Pour conclure la correspondance, le ministre Martin Iteretse informe que toutes ces mesures feront objet d'une évaluation prévue la fin du mois de mars de l'année en cours. Merci Moïse Misago. En page 3 de l'Homme, les démobilisés vivant avec handicap font face au manque et aux difficultés de manque de prothèses en bon état. Défi évoqué par ces anciens combattants ce lundi à Ngozi lors d'une descente du ministre de la Défense et des anciens combattants à l'entrebert Mutawazi, leur demande de patience afin d'approcher les autorités habilitées pour résoudre ce problème. Il est avec Apollinaire Mzaga. Dans cette rencontre avec le ministre en charge des anciens combattants, Pascal Ndikoumana, un de ces derniers a exposé pas mal de problèmes liés à leur santé. Il déplore que, des fois, s'il y a une descente d'un médecin envoyé par la Direction générale des anciens combattants, les démobilisés vivant chez eux sur les collines de naissance ne sont pas accueillis. Son médecin leur dit que seuls les démobilisés vivant dans les sites sont concernés. Ces ex-combattants aujourd'hui handicapés disent aussi qu'ils ne sont pas traités de la même façon lorsqu'ils vont faire réparer leurs prothèses à Bujumbu. Des civils qui paient des liquidités reçoivent des prothèses en bon état, des mousses et autres accessoires permettant une bonne fixation de ces prothèses, ce qui n'est pas le cas pour ces démobilisés, déplore-t-il. Le ministre Alain Tribert Mutabazi leur conseille d'informer à temps leurs représentants en vue d'une solution adéquate. Même pour d'autres questions en rapport avec la santé, le ministre envisage en parler avec tous les concernés dans l'objectif de satisfaire les besoins de ces ex-combattants. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Merci Apollinaire Muzagara. Et en page entrepreneuriale, les investisseurs dans le secteur agro-pastoral vont bientôt bénéficier de crédits. Cela ressort du partenariat entre la Banque nationale pour le développement économique et les fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement FIGASOMECREDI. Édouard Normand Wiginda, co-administrateur directeur général de la BNDE, précise que le taux d'intérêt ne dépassera pas 8% de crédits contactés. De son côté, Olga Gloria Nyamundu, directrice du fonds FIGA, explique que le critère d'éligibilité est d'avoir un terrain d'au moins 2 hectares. En page éducation, plus de 5300 cas d'abandon scolaire ont été enregistrés en province scolaire Kayanza au cours de ce premier palier. Parmi les causes de ce phénomène, Désiré Atungimana, directeur provincial de l'éducation, cite l'exode rural et le petit commerce. Cette autorité scolaire à Kayanza demande à toutes les parties prenantes en matière de l'éducation de sensibiliser les élèves sur l'importance de l'école. Après une courte pause, ceci sera la place à la chronique sur le message d'ON. Parle, rassure-moi. Les partis politiques UPRONA, Sawanya Frodebou et CNL affirment revenir sensibiliser sur une bonne communication à l'endroit de leurs membres lors des séances de formation. Les leaders de ces partis précisent que cette pratique lutte contre le langage haineux. Une fois que l'un des militants transgresse ce principe, le responsable doit lui rappeler à l'ordre. Selon le parti Sawanya Frodebou, les détails avec Cornel Amoujou. Les responsables politiques disent avoir un rôle essentiel dans la lutte contre les discours de haine et l'intolérance. Le président du parti UPRONA, Olivier Nkurunziza, dit que ce parti ne fait que respecter l'idéologie du prince Louis Gwagasore. L'idéologie que le prince Louis Gwagasore a donnée à son parti, c'est l'idéologie de la paix, c'est l'idéologie de l'unité, c'est l'idéologie de chercher le développement du pays, de chercher la justice sociale. Alors pratiquement au niveau du parti UPRONA, ça sera très impossible que nos leaders, les responsables du parti au niveau de la base au sommet, d'enseigner la haine, parce que enseigner la haine, c'est provoquer à la langue et les crises au niveau de la population burundaise, nous l'avons vu. Mais au Burundi, ce discours existe encore. C'est la raison pour laquelle tous les responsables des partis politiques doivent prendre le devant de lutter contre ces discours de haine. Le parti Sawanya Frodebou reconnaît aussi l'importance de la bonne communication, d'où les sensibilisations faites lors des séances de formation, plus accentuées pendant la période électorale, comme le précise le président de ce parti, Pierre Claver Nahimana. La plupart des cas de ce genre, on les trouve surtout pendant les périodes électorales. Il y en a qui confondent libre expression, propagande, et il y en a qui confondent cela avec le fait de mal communiquer. Ça arrive souvent, des gens qui disent, écoutez, dans l'autre parti, ils ont utilisé des mots qui nous touchent très sérieusement, des mots qui font une bonne propagande, des mots très durs. Nous aussi, nous allons suivre leur chemin. Et des fois, ils prononcent des mots qui sont punissables. Dans ce cas-là, vous comprenez que pendant la période électorale, nous nous préparons pour dire à nos militants, écoutez surtout, n'allez pas dans le sens des gens qui prononcent des paroles qu'ils ne devraient pas prononcer. En ce qui concerne notre parti, Sawanya Frodebou, nous savons très bien que la communication, c'est une chose très importante. Et aussi, pendant toutes les séances d'éducation ou de formation que nous faisons à l'endroit de nos militants. Nous revenons à cette notion de bonne communication d'un parti politique. Quant au secrétaire général du parti CNL, Simon Bizimungu, les membres de ce parti sont conscients que la guerre est toujours précédée par ses propos haineux. Alors, une fois que l'un des militants dérogerait, il y a moyen de le ramener à l'ordre. Le parti CNR et ses membres ont bien compliqué le message de haine détruisent le pays au lieu de le construire. C'est pourquoi, dans tous les cas, le parti CNL enseigne ses membres à toujours éviter de tels messages dans les communications quotidiennes. Dire si oui ou non les membres du parti CNL lancent des messages de haine, on n'a pas encore entendu cela. Et qu'à bien même, l'un ou l'autre tiendrait de tels messages dans sa bouche, on le conseillerait, et en cas de récidive, des sanctions seront prononcées envers celui-là. À part ces partis politiques, les médias, y compris les réseaux sociaux, devraient jouer un rôle important pour limiter l'impact du discours de haine en se gardant de donner une visibilité excessive aux propos haineux, y compris lorsqu'ils sont tenus par des dirigeants politiques. Merci, Onéa Moutchou. Ainsi s'achève le journal, mais permettez-moi de rappeler certains des principaux titres. Les administratifs provinciaux doivent faciliter le déroulement des activités des partis politiques sous la ressort d'une correspondance du ministre de l'Intérieur sortie le 31 du mois dernier. Et en Ngozi, les anciens combattants vivant avec handicap déplorent le manque de prothèses en bon état. Et voilà, c'est pas ainsi que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kogimana pour la parfaite collaboration. Vestine Autogété à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.